Angeline ou la maison hantée par Émile Zola. Chapitre 3. 18 mois se passèrent. J'avais dû voyager. De grands soucis et de grandes joies avaient passionné ma vie, dans le coup de tempête qui nous emporte tous à l'inconnu. Mais toujours, à certaines heures, j'entendais venir de loin et passer en moi le cri désolé. Angeline, Angeline, Angeline. Et je restais tremblant, repris de doutes, torturé par le besoin de savoir. Je ne pouvais oublier. Il n'est d'autre enfer pour moi que l'incertitude. Je ne puis dire comment, par une admirable soirée de juin, je me retrouvai à bicyclette dans le chemin écarté de la Sauvagière. Avais-je formellement voulu la revoir? Était-ce un simple instinct qui m'avait fait quitter la grande route pour me diriger de ce côté? Il était près de 8 heures. Mais le ciel, à ses plus longs jours de l'année, rayonnait encore d'un coucher d'astre triomphal, sans un nuage, tout un infini d'or et d'azur. Et quel air léger et délicieux, quelle bonne odeur d'arbres et d'herbages, quelle tendre allégresse dans la paix immense des champs. Comme la première fois, devant la Sauvagière, la stupeur me fit sauter de ma chine. J'hésitai un instant. Ce n'était plus la même propriété. Une belle grille neuve luisait au soleil couchant. On avait relevé les murs de clôture, et la maison, que je voyais à peine parmi les arbres, me semblait avoir repris une gaieté riante de jeunesse. Était-ce donc la résurrection annoncée? Angeline était-elle revenue à la vie? Aux appels de la voix lointaine. J'étais resté sur la route, saisi, regardant, lorsqu'un pas traînard près de moi me fit tressaillir. C'était la mère Toussaint qui ramenait sa vache d'une luzerne voisine. « Ils n'ont donc pas eu peur, ceux-là, » dis-je en désignant la maison du geste. Elle me reconnut et arrêta sa bête. « Ah, monsieur, il y a des gens qui marcheraient sur le bon Dieu. Voici plus d'un an déjà que la propriété a été achetée. Mais c'est un peintre qui a fait ce coup-là, le peintre B. Et vous savez, ces artistes, c'est capable de tout. » Puis elle emmena sa vache en ajoutant avec un hochement de tête « Enfin, faudra voir comment ça tourne. » Le peintre B, le délicat et ingénieux artiste qui avait peint tant d'aimables parisiennes. Je le connaissais un peu. Nous échangions des poignées de main, dans les théâtres, dans les salles d'exposition, partout où l'on se rencontre. Et brusquement, une irrésistible envie me prit d'entrer, de me confesser à lui, de le supplier de me dire ce qu'il savait de vérité sur cette Sauvagière dont l'inconnu m'obsédait. Et sans raisonner, sans m'arrêter à mon costume poussiéreux de cycliste, que l'usage commence à tolérer d'ailleurs, je roulai ma bicyclette jusqu'au tronc moussu d'un vieil arbre. Au tintement clair de la sonnette, dont le ressort battait à la grille, un domestique vint, à qui je remis ma carte et qui me laissa un instant dans le jardin. Ma surprise grandit encore, lorsque je jetai un regard autour de moi. On avait réparé la façade, plus de lézardes, plus de briques disjointes. Le perron, garni de roses, était redevenu un seuil de bienvenue joyeuse, et les fenêtres vivantes riaient maintenant, disaient la joie intérieure, derrière la blancheur de leurs rideaux. Puis, c'était le jardin débarrassé de ses orties et de ses ronces. Le parterre reparut, comme un grand bouquet odorant, les vieux arbres rajeunis, dans leur paix séculaire par la pluie d'or d'un soleil printanier. Quand le domestique reparut, il m'introduisit dans un salon, en me disant que monsieur était allé au village voisin, mais qu'il ne tarderait pas à rentrer. J'aurais attendu des heures. Je pris patience en examinant d'abord la pièce où je me trouvais, installée luxueusement avec des tapis épais, des rideaux et des portières de cretonne, appareillées aux vastes divans et aux fauteuils profonds. Ces tentures étaient même si amples que je fus étonné de la brusque tombée du jour. Puis la nuit se fit presque complète. Je ne sais combien de temps je dus rester là. On m'avait oublié, sans même apporter de lampe. Assis dans l'ombre, je m'étais mis à revivre toute l'histoire tragique, m'abandonnant au rêve. Angéline avait-elle été assassinée? S'était-elle enfoncée elle-même un couteau en plein cœur? Et je l'avoue, dans cette maison hantée, redevenue noire, la peur me prit. Une peur qui ne fut qu'un léger malaise, qu'un petit frisson à fleur de peau, puis qui s'exaspéra, qui me glaça tout entier dans une folie d'épouvante. D'abord, il me sembla que des bruits vagues erraient quelque part. C'était dans les profondeurs des caves, sans doute des plaintes sourdes, des sanglots étouffés, des pas lourds de fantômes. Ensuite, cela monta, se rapprocha. Toute la maison obscure me parut se remplir de cette détresse effroyable. Et tout à coup, le terrible appel retentit. Angéline, Angéline, Angéline, avec une telle force croissante que je crus en sentir passer le souffle froid sur ma face. Une porte du salon s'ouvrit violemment. Angéline entra, traversa la pièce sans me voir. Je la reconnus, dans le coup de lumière qui était entré avec elle, du vestibule éclairé. C'était bien la petite morte de 12 ans, d'une beauté miraculeuse, avec ses admirables cheveux blonds sur les épaules, vêtue de blanc, toute blanche de la terre d'où elle revenait chaque nuit. Elle passa, muette, éperdue, disparut par une autre porte, tandis que de nouveau le cri reprenait. Plus lointain, Angéline, Angéline, Angéline. Et je restais debout, la sueur au front, dans une horreur qui hérissait tout le poil de mon corps, sous le vent de terreur venu du mystère. Presque aussitôt, je crois, au moment où le domestique apportait enfin une lampe, j'eus conscience que le peintre B était là, et qu'il me serrait la main, en s'excusant de s'être si longtemps fait attendre. Je n'eus pas de faux amour-propre. Je lui contai tout de suite mon histoire, encore frémissant. Et avec quel étonnement d'abord il m'écouta, et avec quel bon rire ensuite il s'empressa de me rassurer. Vous ignoriez sans doute, mon cher, que je suis un cousin de la seconde Madame de G, la pauvre femme. L'accusée du meurtre de cet enfant, qu'elle a aimé et qu'elle a pleuré autant que le père. Car la seule vraie chose, c'est en effet que la pauvre petite est morte ici, non de sa propre main, grand Dieu, mais d'une brusque fièvre, dans un tel coup de foudre, que les parents, ayant pris cette maison en horreur, n'ont jamais voulu y revenir. Cela explique qu'elles soient restées inhabitées de leur vivant. Après leur mort, il y a eu d'interminables procès qui en ont empêché la vente. Je la désirais, je l'ai guettée pendant de longues années et je vous assure que nous n'y avons encore vu aucun revenant. Le petit frisson me reprit, je balbutiais. Mais, Angéline, je viens de la voir là. À l'instant, La voix terrible l'appelait, et elle a passé là, elle a traversé cette pièce. Il me regardait, effaré, croyant que je perdais la raison. Puis tout à coup, il éclata de son rire sonore d'homme heureux. « C'est ma fille que vous venez de voir. Elle a eu justement pour parrain Monsieur de G, qui lui a donné, par une dévotion du souvenir, ce nom d'Angeline. Et sa mère l'ayant sans doute appelée tout à l'heure, elle aura passé par cette pièce. » Lui-même ouvrit une porte, jeta de nouveau l'appel. « Angeline, Angeline, Angeline !» L'enfant revint, mais vivante, mais vibrante de gaieté. C'était elle, avec sa robe blanche, avec ses admirables cheveux blonds sur les épaules, et si belle, si rayonnante d'espoir, qu'elle était comme tout un printemps qui portait en bouton la promesse d'amour, le long bonheur d'une existence. Ah, la chair revenante, l'enfant nouvelle qui renaissait de l'enfant morte. La mort était vaincue. Mon vieil ami, le poète V, ne mentait pas. Rien ne se perd, tout recommence, la beauté comme l'amour. La voix des mères les appelle, ces fillettes d'aujourd'hui, ces amoureuses de demain, et elles revivent sous le soleil et parmi les fleurs. C'était de ce réveil de l'enfant que la maison se trouvait hantée. La maison aujourd'hui redevenue jeune et heureuse, dans la joie enfin retrouvée de l'éternelle vie. Thank you.